Ajahn Chah. La vertu est source de bonheur. Deuxième partie. Metta, c'est l'amour. Il y a deux sortes d'amour. Dans l'un, nous aimons certaines personnes seulement, en fonction de nos intérêts, tandis que l'autre inclut tout. Dans le premier cas, nous nous aimons nous-mêmes et ceux qui nous sont proches. Nous ne nous soucions guère de ceux qui ne sont pas de notre famille. Ils ne nous intéressent pas du tout. Il est bon de prendre soin de ses proches, mais c'est trop limité. C'est une façon étriquée de penser. C'est une forme d'amour, mais ce n'est pas l'amour des Brahmaviharas. Le Bouddha voulait que nous ayons metta, une bienveillance infinie qui inclut tous les êtres. Quelle que soit l'origine d'une personne, nous devons nous soucier d'elle. Que nous la connaissions ou pas, nous devons avoir la même attitude bienveillante envers elle qu'envers nos proches. C'est pourquoi il est dit que l'esprit paisible est capable de tout inclure, que c'est un Dhamma infini. Ceci doit devenir pour nous une habitude naturelle. Nous, les êtres humains, quel que soit notre statut social, sommes nés ensemble dans ce monde, de sorte que si quelqu'un souffre, il nous est impossible d'être heureux tout seul. Par exemple, si quelqu'un a faim, nous n'allons pas garder toute la nourriture pour nous, à la différence des animaux. Si vous jetez une grosse portion de riz à des chiens, ils ne vont pas se la partager. Ils vont se précipiter dessus et se mordre entre eux pour l'obtenir parce qu'ils ont faim, et c'est tout ce qui compte pour eux. Le plus fort mord les plus faibles, et les perdants s'écartent en gémissant. Si on veut que chaque chien ait à manger, il faut partager le riz en boulettes et les éparpiller un peu partout. Quand chacun mange sur son petit territoire, ils arrivent à ne pas se battre. Les gens ont les mêmes tendances. Pourquoi la société se détériore-t-elle de nos jours? Parce que Metta n'inclut pas tout le monde. J'ai rencontré les anciens d'un village où les jeunes se comportaient comme des voyous. Ils allaient cambrioler les maisons des villages voisins et ils ont fini par voler dans leur propre village. Alors les anciens les ont réunis pour essayer de les éduquer un peu, en leur disant « Dites donc, les jeunes, n'allez pas cambrioler dans notre village ou notre ville. Si vous devez voler, allez le faire ailleurs, loin d'ici. Vous pouvez le faire dans d'autres villes et villages, mais pas ici. » Voilà comment ils éduquent les jeunes. Le problème, c'est que les anciens ont un rôle important. Nous les considérons comme des sages. Or voilà le genre de choses qu'ils disent. En réalité, ils sont parfaitement égoïstes. Si les anciens des autres villages disent la même chose à leurs jeunes et les envoient voler chez eux, comment les choses vont-elles tourner? Ici, c'est chez nous. Ne faites pas cela ici. Nous croyons que les personnes âgées ont une certaine sagesse, mais c'est une sagesse obscure qui n'a rien à voir avec le Dhamma. Ce genre de metta est très étriqué, réservé à quelques personnes seulement. C'est la tendance générale. Si le Dhamma ne fait pas partie de notre vie, nous ne différons en rien des animaux. Peut-être sommes-nous comme des poulets? Que fait un poulet hormis manger, dormir et se reproduire? Celui qui élève un poulet le nourrit, mais avec une intention bien précise. Le poulet n'en a aucune idée. Il est juste content d'être nourri. Régulièrement, le propriétaire le prend pour le peser et se dit « Fait-il 2 kilos maintenant? 3 kilos ?» Le poulet peut croire que son maître l'aime, à la façon dont il le prend entre ses mains chaque jour. Et puis arrive le jour du marché, et là encore, le poulet n'a pas la moindre idée de ce qui se passe. Le propriétaire l'attrape facilement puisqu'il est habitué à être pris en main. Il le met à l'arrière de son camion. Et C'est amusant d'être dans un camion, c'est la première fois, se dit le poulet. Même quand on le vend et que sa tête est sur le billot, que le boucher lui étire le cou pour le couper net, le poulet apprécie l'agréable sensation d'être massé. Si nous n'avons pas le Dhamma, si notre vie est régie par la jalousie et la méchanceté, la société ne connaîtra ni la paix ni le bonheur. Les enfants qui naissent dans un tel environnement seront durs à éduquer. La communication au sein des familles sera difficile et tendue. Tout cela simplement parce qu'il n'y a pas de Dhamma. Mais il y aura toujours des insensés qui diront « Peut-on manger le Dhamma ? On va dans les monastères et qu'en retire-t-on ? Que rapporte-t-on ? Où est le Dhamma qu'on a trouvé ? Est-ce cela qui va nourrir une famille ? En réalité, si vous ne vous nourrissez pas du Dhamma, vous allez avoir des problèmes. Quiconque se nourrit du Dhamma dans le seul but de vivre en accord avec le Dhamma sera quelqu'un d'intègre et trouvera le bonheur. Telle est la voie juste qui n'entraîne aucun malheur, aucune agitation. Voilà ce que signifie se nourrir du Dhamma. Si nous ne le faisons pas, la société ne connaîtra pas la paix, seulement luttes et conflits. Où que vous alliez, vous ne devez pas vous sentir supérieur ni rester ancré dans vos habitudes. Dans certains endroits, le dialecte ou les coutumes ne vous seront pas familiers, mais ne prenez pas de grands airs, ne soyez pas prétentieux. Si vous ne connaissez pas les coutumes des gens et que vous vous accrochez à votre sentiment de supériorité, les choses ne se passeront pas bien. Je vais vous raconter une anecdote à propos d'Ajahn Mun, à l'époque où il pratiquait la méditation dans les montagnes de Pakto, au milieu d'une tribu du peuple des collines. Un jour, après sa méditation, un villageois s'est approché et lui a demandé « D'où viens-tu, gamin ?»« Je viens d'Ubon, » a répondu Ajahn Mun. « Bon, fiston, as-tu déjà mangé ?» lui dit le villageois. « Oui, monsieur, » a répondu Ajahn Mun, « j'ai déjà mangé. » Le villageois s'est exprimé de manière informelle, comme on parle à quelqu'un d'inférieur, ce que nous trouverions normalement très impoli, surtout s'adressant à un moine. Mais pour lui, c'était la meilleure façon de parler. Si nous n'avons pas conscience de ces coutumes, nous pourrions nous fâcher. Si cet homme nous disait « D'où viens-tu, gamin ?» Nous nous sentirions insultés, et nous ne répondrions même pas, la gorge serrée par la colère. Mais pas Ajahn Mun. Il comprenait l'esprit des gens, tandis que nous ne les comprenons pas de cette manière. Lorsque quelqu'un s'adresse à nous sur le ton d'un supérieur à un inférieur, nous avons du mal à le digérer. Pour ces villageois, c'était la meilleure façon de parler, mais pour nous, qui ne comprenons pas leurs coutumes, ce serait probablement insultant. Ces temps-ci, j'ai réfléchi à certaines choses. Je donne des enseignements dans différents endroits et il y a aussi des groupes de personnes qui viennent ici. Pourtant, sur une assemblée de 100 ou 1000 personnes, il y en a peut-être seulement 4 ou 5 qui font vraiment l'effort de pratiquer le Dhamma. Alors, je préfère m'adresser à de petits groupes. Il est plus facile de donner des instructions et de sermonner ceux qui ont vraiment la foi et la dévotion. Si, sur 1000 personnes, il n'y en a qu'une cinquantaine qui sont vraiment attentifs, présents à eux-mêmes et qui font des efforts sincères, il n'y a pas moyen d'accomplir quoi que ce soit. C'est comme le travail d'un laboureur. Imaginez un homme qui va travailler dur dans les champs pendant plusieurs jours, transplantant les pousses de riz pour la prochaine récolte, mais quelqu'un le suit et arrache tout ce qu'il a planté. Il pourra travailler tant qu'il voudra. L'autre continue à le suivre et arrache toutes les pousses. Qui pourrait se sortir d'une telle situation? Demain, il replantera et l'autre, derrière lui, défera tout ce qu'il aura fait. Peut-on espérer le moindre succès dans ce travail? Rapportera-t-il le moindre bénéfice? Quand il regarde en arrière, il voit que l'autre détruit son travail, arrache les pousses et les jette dans la rizière. Que faire? Que peut-il attendre de tous ses efforts? Dans très peu de temps, nous allons mourir. Alors pourquoi nous préoccuper de tels ignorants? Le Bouddha a dit que nous n'avons pas à nous occuper de choses qui n'apportent aucun bienfait. La moralité est source de bonheur. Voilà la vérité, mais les gens ne sont pas heureux. Si on essaie de parler de moralité et de vertu, ils prennent peur. Il semble qu'à notre époque, il soit devenu très difficile d'être une personne morale et spirituelle dans la société. Mais si les gens ont accumulé d'authentiques mérites, s'ils ont la foi et la maturité de l'esprit, ils réfléchiront profondément et auront la sagesse de se désengager et de trouver le temps de pratiquer le Dhamma de leur mieux. La moralité est un trésor. Toute forme de richesse et de plaisir naît de la moralité. Il y a le trésor de la richesse, le trésor des yeux, des oreilles, du nez, de la langue, du corps et de l'esprit. Toutes ces choses que nous possédons tandis que nous sommes assis ici sont des trésors et des accomplissements. Ils sont le fruit d'un comportement moral dans le passé. C'est le trésor de la moralité. Quand nous pensons à un trésor, nous imaginons des formes visibles de richesse comme l'argent, les biens, les bijoux ou l'or. Nous oublions nos propres yeux et nos oreilles, notre nez et notre corps tout entier. Réfléchissez un peu. Si ces membres et ces organes sensoriels ne fonctionnaient pas bien, comment profiterions-nous de la richesse matérielle? Nous devons prendre soin de nous-mêmes, prendre soin de nos yeux, de nos oreilles et de nos membres. Si quelqu'un voulait acheter votre bras, s'il vous en offrait plusieurs milliers d'euros, seriez-vous prêt à le couper et à le lui vendre? Est-ce que des dizaines de milliers d'euros vous intéresseraient s'il fallait vous arracher un œil en échange? Quel prix leur accordez-vous? Le fait que votre corps et vos sens fonctionnent et que vous puissiez profiter de cette richesse est dû à la moralité. Mais vous ne pensez pas à cela. La richesse intérieure qui nous vient de la moralité est ainsi, mais nous ne voyons pas qu'il s'agit d'un trésor. Je vous demande de faire l'effort de réfléchir à cela. Peut-être que parmi vous, certains ne sont que des moitiés ou même des quarts d'êtres humains en termes de comportement moral. Les jours et les nuits passent. Ils ne s'arrêtent pas, ils continuent de passer. Demandez-vous, aujourd'hui qu'ai-je fait? Ai-je été pleinement présent et conscient ou distrait et inattentif? Comment ai-je accompli mes tâches? Que puis-je en conclure? Nous avons tous besoin de nous poser ces questions et nous serons ainsi en mesure de solutionner nos problèmes. Ne soyez pas trop pressés de résoudre les problèmes des autres. Occupez-vous d'abord des vôtres. Si vous n'êtes pas capable d'être au clair avec vous-même, vous ne pourrez rien faire pour les autres. Et si vous y parvenez et qu'ensuite vous faites de votre mieux pour aider les autres, mais qu'ils ne sont pas en mesure de mettre votre aide à profit, n'en soyez pas perturbé. Demeurez dans un état de calme neutralité, sans avoir le sentiment d'avoir failli. Aucun mal ne vous a été fait. C'est ce que le Bouddha a enseigné. Nous pouvons donc dire que la moralité est à l'origine de tout le Dhamma, de même que la respiration donne vie à nos membres et à nos organes. Pourrions-nous continuer à fonctionner si elle s'arrêtait? Shilla est ainsi. Shilla signifie purifier nos actions et nos paroles. On pourrait dire que la moralité est 50% du chemin, à condition, bien sûr, qu'elle soit profonde et authentique. Par exemple, quelqu'un qui parle avec douceur peut très bien avoir un cœur noir. Mais de toute façon, pour qu'il y ait la voix, les fruits de la voix et le nibbana, il faut qu'il y ait le fondement de la moralité. Nous avons donc ces versets qui commencent par « La vertu est le véhicule du bonheur ». Le Bouddha a exhorté tous ses disciples à pratiquer une moralité pure. De même que chacun de nous est né d'un père et d'une mère, de même tout le Dhamma, c'est-à-dire tout ce qui est noble et bon dans le monde, naît de la moralité. Nous en parlons parce qu'un comportement vertueux est le parent qui va donner naissance à l'enfant de la bonté et de l'excellence à partir des entrailles de cette existence. Mais les gens ne croient pas beaucoup à la véracité de cet enseignement. Si chacun pratiquait et comprenait cela au point que cette vérité pénètre son cœur, ce serait le plus excellent des mérites. Je me réjouirai grandement de voir les gens comprendre vraiment le Dhamma de cette façon, et j'aurai le sentiment que l'occasion qui nous a été donnée d'avoir une vie humaine et de rencontrer l'enseignement du Bouddha n'a pas été perdue. Mais si on se contente d'avoir une connaissance conceptuelle, comme c'est très souvent le cas, sans passer à la pratique, à quoi cela sert-il? Qu'en ressortira-t-il? Je vous demande de bien comprendre cela. Aujourd'hui est notre seule occasion de nous rencontrer cette année. Nous croyons que l'année prochaine, à cette même époque, nous allons nous retrouver pour les traditionnelles cérémonies de l'eau qui célèbrent le nouvel an. Mais ce n'est pas certain, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas être absolument sûrs que les personnes qui sont ici aujourd'hui seront présentes l'année prochaine. Pour dire les choses simplement, nous ne pouvons rien espérer pour personne. Il se peut que la prochaine fois, certaines personnes ne soient pas là pour se faire asperger d'eau. Pourquoi? Parce que les choses ne cessent de changer. En ce moment même, l'impermanence nous poursuit férocement pour nous détruire. Parfois, les gens viennent me voir et me disent « Luang Por, ne craignez-vous pas les guérillas communistes ?» Pourquoi nous inquiéter des communistes? Ont-ils cherché à nous tuer depuis le jour de notre naissance? Je n'ai pas tellement peur des communistes. Il y a beaucoup de choses inhérentes à cette vie et à ce corps physique qui sont beaucoup plus inquiétantes. Alors, n'allez pas trop penser aux problèmes extérieurs, à ce qui est loin de vous. Sachons donc nous désengager des activités futiles, et faisons de sérieux efforts pour pratiquer ce qui est juste et bon. Si nous n'avons pas encore ces qualités, nous devons faire l'effort de les faire apparaître. Si elles sont encore faibles, nous devons faire l'effort de les développer. Si nous sommes déjà très vertueux, nous devons poursuivre sur cette voie jusqu'à être libérés du cycle du samsara. Que la bénédiction des trois joyaux vous protège et vous soutienne dans votre pratique de cette moralité du Dhamma. Puissiez-vous trouver le bonheur et jouir d'une longue vie. Que votre pratique vous mène à la fin de la souffrance, à la paix et au véritable bonheur. Ne soyez pas inattentif. J'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je souhaite simplement vous rappeler maintenant de pratiquer le Dhamma. Tous les préceptes et les modes de vie que nous avons établis ici, à Wat Papong, prenez la détermination de les pratiquer vous-même et devenez de bons exemples pour vos familles et pour tous ceux que vous aimez. Voilà ce que seraient vraiment d'heureux auspices. Et maintenant, je vais faire le vœu que toutes vos aspirations les plus pures se réalisent.